Viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Pour les sans-traités, sans-traités, roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Et sans-traités, le roi de gloire, ta majesté, hâte-toi, ne tarde plus. Pour les sans-traités, sans-traités, le roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Les sans-traités, les sans-traités, le roi de gloire, oh, il est le même, hâte-toi, ne tarde plus. Où les sans-traités, sans-traités, roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Les sans-traités, sans-traités, roi de gloire, il est vivant, portez-toi, ne tarde plus. Le péché pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Ouais, pour le sauveur des mondes, viens pour l'homme des douleurs, pour les sans-traités. Sans-traités, roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Et sans-traités, sans-traités, roi de gloire, ta majesté, hâte-toi, ne tarde plus. Pour les sans-traités, sans-traités, roi de gloire, ouvre à Jésus, fais ton cœur à Jésus. Les sans-traités, sans-traités, roi de gloire, ta majesté, hâte-toi, ne tarde plus. Jésus, frappé, frappe encore, ouvre à ton libérateur, et pour toi rire alors, qui véritable bonheur, pour les sans-traités. Sans-traités, roi de gloire, ouvre Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Les sans-traités, sans-traités, roi de gloire, ta majesté, hâte-toi, ne tarde plus. Pour les sans-traités, sans-traités, roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Les sans-traités, sans-traités, roi de gloire, oh, hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce, ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa présente main pour les sans-traités. Sans-traités, roi de gloire, ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus, et son pays est centré et pratiquant. Mais la maman a détoigné sa dépuie, les sangliers sont très heureux de croire. Ouvre Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Les sangliers sont très heureux de croire. Et vivant à tes toits, n'est ta dépuis. Les sangliers sont très heureux de croire. Ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Et sans prier, sans traiter à tes toits. À Jésus, à tes toits, ne tarde plus. Recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est l'objectif de chaque jour. Il est le grand bouclier, le puissant bouclier. Il est l'arche de Dieu, la zone la plus sécurisée. Il est le recours de nos âmes, le fondement éternel, inébranlable. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. C'est aujourd'hui le jour de grâce. Et pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Ne compte pas sur demain. Demain ne t'appartient pas encore. Nous ne savons pas comment finira la nuit. Amen. Quand nous apprenons chaque jour les gens qui meurent, nous voyons combien nous sommes fragiles. Des morts en cascade. Quand vous devez prendre que notre petit rayon, les gens meurent. Hier, nous avons entendu dans une école deux communiqués nécrologiques. Deux parents sont décédés. Le même jour, deux communiqués. On reçoit d'abord l'un, quelques temps après un autre. Nous-mêmes là, j'ai vu un collègue médecin décédé. Le corps est à la mort. Pendant que le programme se discute encore pour son enterrement. Encore un autre ami médecin est décédé hier. Avec lequel j'avais été comme condisciple de classe avec lui dans les mêmes rangées. Quatrième des humanités. Et voilà, le corps est à la morgue encore. Et hier soir, notre frère Bosco nous informe d'une triste nouvelle. Sa grande sœur immédiate, l'aînée de la famille, lui, il est l'aîné garçon, l'aîné fille, serait décédé. Regardez les morts qui peuvent se compter comme ça. C'est notre petit rayon, notre petite communauté. On peut compter 3, 4, 5. Dans la même semaine, non, laisse entrer les rois de gloire. Ne compte pas sur demain. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe. Saisis déjà sa puissante main. Reçois le salut de Dieu maintenant. Sans négliger. Sans négliger. Père Céleste. Te remercions ce soir de nous compter parmi les vivants sur la terre des vivants. C'est ta terre à toi. Tu en es le créateur. Tu en es le propriétaire. Pour ceux qui l'habitent, sont des passagers, quels que soient leurs projets, leurs amis, leurs alliances, leurs décisions, ils passeront tous. Et toi, Dieu, tu restes. Trouve place dans nos cœurs. Nous t'invitons à cœur ouvert. Viens habiter là-dedans. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Viens dominer par ta vérité, par ton évangile, par ta puissance. Change-nous complètement. Nous avons besoin de ton soutien dans cette marche sur la terre. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans toi, nous ne finirons nulle part, Seigneur. Et nous avons besoin de l'assurance. Salut. Le soutien du Dieu vivant. Grâce à nos cœurs d'être sauvés. Et nous comptons parmi les rachetés. Fais grâce à chacun, Père. Car nous n'avons que toi pour le salut de nos âmes. Qu'il en soit ainsi. Pour chacun, chaque jour, à tout instant. Exhorte nos cœurs. Au meilleur dans le spirituel. À être meilleur, à devenir meilleur que ça. Exhorte chacun de nos seigneurs à devenir meilleur que ça. S'identifier à Christ, devenant de plus en plus semblable à toi. La piété reproduite. Être semblable à Dieu. Être comme Dieu, c'est la prière de notre cœur. Toi, tu habites à nous et que nous vivions pour toi. Pardonne nos péchés. Amen. Toute culpabilité, boucherait tes oreilles à nous, et exauce nos prières, Seigneur, pour que la joie soit grande, comme tu avais promis, que nous recevions les réponses, et que notre joie soit grande, et que personne ne ravisse notre joie. Guéris les malades, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, et communie avec nous encore, en mettant la bonne atmosphère au milieu de nous et dans nos cœurs, en perfectionnant cela, en améliorant cela, en performant cela, et tout pour ta gloire. Tu as promis que toutes choses concourront à notre bien. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Daigne nous l'accorder. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible en guise d'exhortation. Matthieu chapitre 12. Nous prenons le verset 33. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Bobongi santé malamu, et Bumanayango ikojala malamu. Sokoete Bobongi santé ma belle, Bumanayango ikojala ma belle. Gamin zete ikoyeba na pona Bumanayango. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ata bomoni na ino yete, bolingi ye, e bojali komona yesasa iti te, nde kona kundima, bojali kosepela na esengo, eleki malobanko ikondi na kembo. Awe jali bino kozwa suka na kundima na bino, yangolo biko na molimo na bino. Kadyo bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun, la bienvenue à la table du Seigneur. Ici où nous méditons les choses du royaume de Dieu, nous partageons les vérités révélées de la parole, nous faisons de notre mieux pour rester fidèles au Seigneur. Sortie de sa bouche, voulant vivre de cela mieux que des choses du monde. C'est un choix définitif que nous avons opéré de renoncer à nous-mêmes, de rejeter le vieil homme et de vivre pour la parole. C'était un jour de gloire lorsque nous avons opéré ces choix-là. Alors, en rejetant le monde et notre vieil homme, le fond du cœur voulait le salut de Dieu. Et de tout cœur, nous voulons le salut de Dieu. Chaque jour, nous voulons vivre le salut de Dieu. Expérimenter le salut de Dieu. Et comme Paul l'avait dit aux Juifs qui négligeaient cela, qui prenaient les choses à la légère, dans Actes des Apôtres chapitre 28, il était assez clair, hein, lui Paul, et même direct, Actes 28, le verset 28, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et verset 29, lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Mais n'empêche, la vérité divine a été proclamée à ce temps-là. Qu'il le veuille ou non, il devait le savoir. Ce salut de Dieu a été envoyé au païen. Il a été envoyé aux non-juifs. Et les non-juifs écouteront ce salut. Lorsque nous entendons cette bonne nouvelle, et que nous regardons nos modestes personnes, nos misérables familles, nos pauvres nations, notre piètre histoire, de nos ancêtres idolâtres, des parents idolâtres, qui ont vécu dans les credos et les dogmes, perdu dans les fausses doctrines. Alors que Dieu te permette d'écouter le salut de Dieu. Qui es-tu en réalité? Rien de spécial. Mais la bonté de Dieu est venue jusqu'à toi. L'amour du Seigneur s'est manifesté jusqu'à toi. Les bras tendus du Seigneur ont touché jusqu'à ta personne. La grâce de Dieu a été manifestée en ta faveur. Mes chers amis, comprenons ça. À quel point Dieu nous aime. Mais quand il nous donne une si grande importance, nous ne devons pas en retour manifester de l'indifférence, de la paresse et de l'insolence, de l'inconsidération. Nous avons plutôt besoin de manifester notre gratitude la plus sincère et la plus profonde. Et nous devons lui montrer le sérieux le plus total. Tout le Seigneur, nous comprenons ce que tu veux pour nous. Alors nous ne badinons pas dans nos réactions, mais nous agirons en conséquence. Et tout pour ta gloire, et tout pour te plaire. Comme on le disait hier, il avait sciemment aveuglé ses enfants hébreux. Le peuple d'Israël, il les avait aveuglés. Et quand il a donné le salut à quelques-uns d'entre eux, ce n'était pas à toute la nation comme le voulait son programme, mais il en a donné à quelques individus pour que cette même grâce a rayonné. Remontons ici dans Acte 28. Là. Verset 22. Jusque là au verset 27. L'on interroge Paul. On dit, mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Donc l'église du Seigneur Jésus-Christ est identifiée comme étant une secte. Et non pas n'importe quelle secte, mais une secte qui rencontrait partout de l'opposition. La conception des gens, des religieux de cette époque-là était ça. C'était un mouvement nouveau. D'un certain Jésus, analphabète, qui se serait donné pour un personnage important, et qui a séduit quelques personnes, parmi lesquelles beaucoup d'ignares, ce sont ces gens-là qui l'ont suivi. Alors eux, les intellectuels, les docteurs de la loi, les pharisiens rigides dans la foi, dans la connaissance, eux ne voulaient pas suivre ce genre de petit mouvement-là. D'un certain Jésus, que Jéhovah Dieu a humilié. Parce qu'il avait voulu se donner trop d'importance pour être considéré reçu par les gens. Mais il était mort de la mort la plus honteuse. Il s'est dit entre eux, Dieu l'a abandonné. Il a humilié publiquement. Oh, on n'a jamais entendu ça. Un prophète, quelqu'un qui dit être prophète. Mais on l'a mis à mort nu. Complètement nu devant les bateaux. Alors ils disent, parce qu'on a l'embêté. Alors, les mouvements de ces gens-là qui suivent ce genre d'aventuriers, c'était une secte. Mais l'église des pharisiens, c'était ça l'église. Il a rencontré beaucoup de preuves depuis des siècles. Ils ont survécu à tous les moments. Le groupe des pharisiens, c'était simplement l'église, c'est l'église. L'histoire-là de Jésus, mais c'était une secte d'abord. Ses propres adeptes, ils se cachent dans des maisons. Ils n'ont construit aucune église. Tout ça parce qu'ils aiment la clandestinité. Et quand ils veulent apparaître en public, ils viennent au portique de Salomon. Ils n'entrent pas dans le temple à l'intérieur. Ils choisissent un coin là au temple et ils commencent à tenir des réunions là-bas. Et de quoi ont-ils peur? Quand nous envoyons nos émissaires pour les tester, mais on les voit se disperser ici. Et puis ils disent qu'ils sont le royaume de Dieu. Alors bref, c'est une secte. Ils se sont dit que c'était une secte. Mais mes chers frères et sœurs, ce n'était pas une secte. C'était la véritable église du Dieu vivant. Qui prêchait le salut de Dieu et reproduisait le salut de Dieu. C'était l'arbre église du Seigneur. Qui prêchait le salut de Dieu et qui produisait le salut de Dieu à travers ceux qui entendaient le message de Dieu. Ce qui recevait son message était sauvé. Ils devenaient sauvés. Parce que le salut était au milieu d'eux. Dieu confirmait la parole. Mais les gens du monde appelaient ça une secte qui rencontrait partout de l'opposition. Mais les chrétiens ne baissaient pas les bras. Les croyants devenaient de plus en plus fervents. On n'a pas trouvé de lâches là parmi eux. Ils étaient prêts à affronter cette opposition. Comme vous et moi, c'est notre tour. Ne soyez jamais lâches. Rabbanam dit, vivez au rocher spirituel. Vivez jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis du salut de Dieu. Et vous n'écouterez plus de critiques. Quand cette dose du salut divin vous est déversée, vous vivez assez trop, beaucoup trop, ça bouchera vos oreilles à toutes les critiques, à toutes les paroles des détracteurs, des gens qui disent des choses contraires et déplaisantes. Ça ne peut plus ni vous influencer, ni demeurer en vous, ni vous troubler. Le salut de Dieu. Je voudrais que chacun boive à ses âmes. Peut-être que vous entendez juste parler de ça un peu. Et vous y avez mérité qu'un petit temps. Donnons-y maintenant beaucoup de temps. Recevez le salut de Dieu. Vivez ce salut. L'arbre du salut s'appelle Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Vivez à ce nom-là. Mangez du fruit de cet arbre-là. Qui est le salut de Dieu. Jusqu'à ce que toutes les choses du monde meurent en vous. Jusqu'à ce que toutes les tentations du péché soient dégonflées dans votre vie. Jusqu'à ce que tout l'amour du monde périsse au milieu de vous. Vivez de cet arbre-là. Prenez le jus, appelez Jésus-Christ. Vivez ça assez jusqu'à ce que qu'il vous change en profondeur. Nous avons confiance que Dieu peut le faire. Et là où cet arbre est planté, il doit produire un autre arbre, son épouse, l'arbre église de Jésus-Christ. Et l'arbre église de Jésus-Christ doit produire le salut. Pourquoi le salut humain et les assurances humaines, les assurances humaines ecclésiastiques, d'un groupe de gens qui ont convenu d'une certaine doctrine pour exercer un pouvoir, une influence sur les semblables, la cryptocratie, le pouvoir d'un groupe qui veut rassurer les gens qu'ils sont sauvés. Mais nous prêchons le salut de Dieu. Le salut qui vient de nous. Le salut qui vient de Dieu. Le but que cela soit entendu. Qu'il soit reçu. Qu'il soit cru. Indimama. Le salut là a été envoyé aux païens. Le but qu'on est comme on le disait hier. Le Seigneur a sciemment aveuglé ses enfants hébreux. Le peuple appelle de son nom. Pour envoyer ce salut aux païens, aux gens de la nation. Et il ne l'écoutait pas. Mais il y en a parmi les nations qui ne l'écoutent pas. Parce ils ne sont pas encore rentrés dans ce projet. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu y es entré. Tu entends prêcher ce salut. Tu entends prêcher l'évangile des saluts. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Malgré l'opposition, nous irons jusqu'au bout. Et notre église triomphera. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'annihilation. La secte là a rencontré partout l'opposition. Mais voici une branche de cette secte qui s'est réunie à cet endroit. La même secte là qui rencontrait l'opposition. À l'époque de Paul. Où les gens confirment et disent, les autorités de l'époque, nous voulons apprendre de toi ce que tu en penses. Cette secte rencontre partout de l'opposition. Malgré cette opposition, il ne nous a jamais anéantis. Nous voici encore. Je vous confirme que nous sommes une branche de la même famille. Dont il est parlé ici. Mais tu es très fier de ça. Nous sommes une branche de la même secte. La secte dont Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est le salut. La secte dont Jésus-Christ est le salut de Dieu. Pour laquelle Jésus-Christ seul est le salut de Dieu. Il est la vérité de Dieu. Il est le rocher des sages. Il est la vie éternelle. Il est l'amour divin. Il est le pardon que Dieu nous donne. Nous sommes cette secte-là. Est-ce que tu dis amen à la vérité? Le gouvernement bon la solo. Et tu aimes vraiment cette vérité de tout ton cœur. Béni soit le Seigneur tout le temps. Et pas moi la macumana pour le temps. Oh frère, c'est merveilleux. Le cousin malam mukoni. Il faut que vous sachiez que c'est ça. Et ce n'est pas vrai des alli. Yango penza. Ici, dans le sermon à qui irions-nous? Ah, on a l'été à Epainanani Tokokenda. Prêché le 6 juin 1960. À qui irions-nous? Epainanani Tokokenda. Vous voyez ce que Jésus, le prophète Branham déclare. À qui irions-nous? Epainanani Tokokenda. Au paragraphe 23. De la Kotanga, Tokumi Balé, Namisato. Je prends pour aller vite jusqu'au la deuxième partie du paragraphe. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Et il a habité parmi nous. Il est la vérité. Azali solo. Il est la vérité. Il est Azali solo. Il peut y avoir d'autres vérités. Mais Jésus est cette vérité authentique. Il est la vérité. Lui Jésus-Christ. Il peut y avoir d'autres vérités. Nous n'en disconvenons pas. Mais Jésus-Christ, notre Jésus-Christ, il est cette vérité authentique. La vérité issue du ciel. La vérité éternelle de Dieu. Qui nous a été envoyé. L'unique chemin et l'unique vérité. Jésus-Christ est ça. Pour nous croyants de ce message. Pour nous la branche de cette même secte. Il rencontre partout de l'opposition. Jusqu'à présent, les gens s'opposent à nous. Même ceux qui s'appellent frères. Même ceux qui s'appellent chrétiens. Ils s'opposent à nous. Mais nous ne pouvons pas nous fatiguer. Encore jamais nous relâcher. Parce que nous avons bu de l'arbre de la vie éternelle. Nous sommes drogués par la vérité spirituelle. Fou d'amour pour Jésus-Christ. Il est l'unique vie éternelle. Il est la vérité. Il peut y avoir d'autres vérités. Mais Jésus est cette vérité authentique. La vérité issue du ciel. La vérité éternelle de Dieu. Qui nous a été envoyé. Jésus-Christ est celui-là. L'unique chemin. C'est lui. C'est l'unique vérité. L'unique chemin, c'est Jésus-Christ. L'unique vérité, c'est Jésus-Christ. Les autres choses peuvent être vraies. Mais Jésus est cette vérité de Dieu. La vérité du salut de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est personne. La vérité du plan de Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le chemin, la vérité. Zela solo. Tout ça. Nyoswana. C'est lui. Et quand il est parmi nous, nous pouvons être taxés de tous les faux noms. Tous les noms injurieux. Ne vous fatiguez jamais. sachez quelles perles de valeur vous avez découvert. Il est la vie éternelle. Il est la perle la plus précieuse. Du plus grand prix qui soit. Quand il est le sang de Dieu lui-même. Pour l'expiation de nos péchés, de nos iniquités. Pour la paix et la sécurité de nos âmes. Il est le sang de Dieu. Pour nous sauver. Pour nous pardonner. Amen. Pour nous secourir en difficulté. Pour nous délivrer de toute détresse. Il est le sang précieux de Dieu. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu en penses. Car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Paul les renonça les royaumes de Dieu. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader. Et ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres n'écrirent point. La prédication de la croix. On n'a pas besoin de l'unanimité. Mais nous voulons que quelqu'un qui entend, qui croit, reçoive les salles. L'essentiel pour nous est qu'il y ait une âme. Vous allez que la parole n'est pas prêchée en vain. Mais il y a quelqu'un qui se distingue, qui avale la vérité. Jusqu'à expérimenter le salut de Dieu. Et nous avançons pas à pas. Louange à Jésus-Christ notre Sauveur. Gloire à Dieu. Tout le temps, tout le temps. Nous avons grandement besoin de ça. Êtes-vous là? Nous avons grandement besoin de ça. Ici dans les sermons, tenir de conférences. On a l'idée à Kosala Makita. Frère Branham a prêché le 8 juin 1960. Le paragraphe 44. Il dit, mais un homme qui s'est approché de Dieu. Qui s'est tenu dans la présence. Et qui accepte la grâce. Et le salut de Dieu. Qui est né de nouveau. Et qui est rempli du Saint-Esprit. Est un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tous les démons de l'enfer ne peuvent l'en détacher. Tous les démons ensemble, chacun à son tour, ne peuvent pas les détacher de ce Dieu-là. Quelle que soit l'opposition des démons. Apana, ça ne fait rien du tout. Un homme qui s'est approché de Dieu. Qui s'est tenu dans la présence de Dieu. Et qui accepte la grâce. Et le salut de Dieu. Que Dieu nous a envoyé à nous les gens de nation. Par grâce. Alors qu'on ne méritait pas. Il a aveuglé ses propres enfants hébreux. Et que nous ayons entendu ça. Et reçu la grâce de Dieu. Au point de naître de nouveau. Jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh non. C'est un fils de Dieu. Rien ne peut les détacher de Dieu. Tous les démons de l'enfer ne peuvent l'en détacher. Il sait où il se tient. Il sait qui est son papa. Et il sait d'où vient sa force. Il sait en qui il a cru. Il connaît son Dieu. Certainement. Il connaît sa parole. Et il s'en tient à elle. Certainement. Il croit en Dieu. Il mange la nourriture des enfants. Il mange mange la nourriture des brebis. Il y en a trop aujourd'hui qui se nourrissent de mauvaises herbes. Au lieu de la nourriture des brebis. Ce qui fait qu'il meurt de faim. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le retour du Saint-Esprit pour nourrir les enfants dans le vert pâturage. Oh, ombragé et près des eaux paisibles. Et pas y'a puis à moi puis on a maillot et malade. Ce retour du Saint-Esprit. Certainement. La paix de Dieu est comme une rivière qui coule dans notre âme. Lorsque ce salut de Dieu, nous l'entendons et nous recevons la grâce. La paix de Dieu devient comme une rivière qui coule dans notre âme. Ayant l'assurance que nous sommes passés de la mort à la vie. Et que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Alors, frère, sœur, examinez ton esprit. Ton parcours religieux. Est-ce que tu as ça? T'es-tu approché de Dieu? Est-ce que tu t'es tenu dans sa présence? As-tu reçu la grâce et le salut de Dieu? Non, chacun doit s'examiner personnellement. Il ne faut pas vous flatter et dire, oh non, je l'ai su. Oh, amen. Non, bon, on n'est pas là pour la fin. Vous allez en attendre pour la masse qui. Vous pouvez les apparences et vidéos. Vous impressionnez quelqu'un qui est assez là-bas. Mais vous répondez devant Dieu, vous seul devant la terre. Tu es venu naître sur terre tout seul. Et tu comprendras devant Dieu tout seul aussi. Tu t'en iras seul, ce qui meurt là. Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Moi, personnellement, ma soeur, tu t'es approché de Dieu? Tu fais semblant? Est-ce que tu t'es approché de Dieu? As-tu reçu la grâce de Dieu? À juste valeur. Une grâce tellement excellente. Quelle se manifeste dans ta vie par une humilité remarquable. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Quand tu reçois la grâce de Dieu, on ne peut pas concevoir un homme qui a reçu la grâce de Dieu demeurant orgueilleux. Impossible. Mais inadmissible. La grâce de Dieu, il l'accorde aux humbles. Et tu l'as réellement reçu. On va l'humilité. L'humilité du cœur. Et tu aimes mon frère, ma soeur, tous les jours et partout. Es-tu vraiment humble? Ou tu vois la grâce de Dieu dans le vide? Vous allez me et tu vois la dissolution des mélanges. Cette grâce, Dieu ne la donne pas éparpillée comme ça. Dieu résiste aux orgueilleux de la vie. Mais il fait grâce aux humbles. Voilà, est-ce que tu es humble, frère? Qu'est-ce qu'il prouve? Pas l'humilité d'apparence pour ne pas piétiner une fourmi. Soit disant que c'est une créature de Dieu, mais toi qui fais ça, tu es rancunier à l'égard de ton frère. Conflictuel comme pas possible. Hypocrite sans pareil. Mais tu parles d'humilité d'apparence. Il faut que ça se refait. Quand cette grâce te devient à toi, Jésus-Christ le divin, Jésus-Christ toi, mon Zambé, cette humilité du cœur doit devenir ta vie. L'as-tu reçu? T'es-tu approché de Dieu? Toi, sœur. Ma sœur, s'il te plaît. Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Vraiment approché de Dieu? Comme Esaïe au temple. Et les yeux de faux demeurent toujours. Wana ba mabiru akal mabiru akal dalko humila. Les iniquités du passé demeurent toujours. Masumu nakwa akal dalko humila bobele. Mais tu t'étais approché de Dieu. Yobele magi pene nzambe. Tout le message de Dieu quand on s'approche de la présence. Alors ici angobele ni na bozala nzambe. On ne peut plus repartir pareil. Okoki kuzonga lolengo ya kite. À moins d'être un Judas fils de la fête. Wana kuzala Judas ma litedi. Donc on quitte de là pire quand on les. Wana ulungu era mademi koleka. On est comparable à ces jeunes hommes riches. Wana tingilita kama na. Il s'est approché, mais il est reparti tout triste. Abele magi. Scandalisé par les paroles de vérité. A tout ça magi na malo bawa. L'évangile du royaume. C'est maintenant qu'on doit s'examiner. Un homme qui s'est approché de Dieu. Qui a reçu la grâce. Et le salut de Dieu. Qui est né de nouveau. Quel processus. C'est d'abord approché de Dieu. Et là, il s'est humilié. Comme Isaïe. Hein? Il a reçu la grâce de Dieu. Grâce que Dieu accorde aux humbles. Fini le règne de l'orgueil. Fini l'endurcissement de cœur. Fini l'entêtement religieux. Fini la vanterie inutile. Voyez, toutes ces choses du vieil homme prennent. Un homme qui s'est approché de Dieu. Qui a reçu la grâce. Et non seulement la grâce. Mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce n'est pas accordée pour des biens matériels. Mais elle est donnée pour le royaume. Pour le salut des âmes. Elle est source du salut. Pour les hommes. Que cette grâce soit manifestée. Qu'elle s'enseigne la crainte. La piété et la justice de Dieu. Un homme. Il s'est approché de Dieu. Qui a reçu la grâce. Et le salut de Dieu. Et quand il reçoit ça, il naît de nouveau. Et il est rempli du Saint-Esprit. Quand ceci est bouclé comme ça. Oh, c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Et tous les démons de l'enfer ne peuvent en aucun cas l'empêcher. Qui dit amen à la vérité. Est-ce que tu l'as expérimenté comme ça? Revois un peu ton parcours religieux. Voilà, tu as dit que tu es devenu membre de l'Église. Tu es un frère, soi-disant. Examine-toi un peu. Est-ce que tu t'es approché de Dieu? Tu t'es approché de Dieu ou d'une Église? Vous êtes un ensemble de croyances qu'on a rassemblé pour toi. Oh, donnez-moi les syllabus là. Les fascicules, là où il y a les citations. Et où vous êtes approché déjà, vous avez lu, là on a aligné certaines citations. Vous avez pensé, et vous avez lu ça comme un perroquet toutes les nuits. Vous allez retenir les phrases marquantes. Et vous les répétez comme un mono. Quand il faut chanter, oui. La question demeure. Si tu es approché de Dieu, Dieu est-il réel pour toi? Ou juste quelque chose qui impressionne à cause des choses visibles de la terre ici? Les visas, les nouvelles voitures. Je suis passé de du vélo à une moto trois pneus. Oh, Zambaza Munene. Voilà, Dieu pour vous c'est les trois pneus. Hein? Sa grandeur c'est ça, parce qu'on compare un vélo à un vélo, à combien c'est quoi les trois pneus. C'est ça Dieu pour vous. Quelle piètre conception. Wana, Et vous vous nourrissez. Il mange la nourriture des enfants. Il connaît sa parole et il s'en tient à elle. Il mange la nourriture des enfants. Il mange la nourriture des brebis. Il y en a trop aujourd'hui qui se nourrissent de mauvaises herbes. Au lieu de la nourriture des brebis. Ce qui fait qu'il meurt de faim. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le retour du Saint-Esprit pour nourrir les enfants dans les verts pâturages, ombragés et près des eaux paisibles. Certainement, la paix de Dieu est comme une rivière qui coule dans notre âme. La paix de Dieu est comme une rivière qui coule dans notre âme. Ayant l'assurance que nous sommes passés de la mort à la vie et que nous sommes de nouvelles créatures en Dieu. Est-ce que c'est là ton expérience? Mon frère, ton expérience, c'est vraiment un membre de l'Assemblée chrétienne. Tu as crié message, mais j'étais massage. Et je peux masser les oreilles. Tu masses ta bouche. Au nom de massage. Tu parles de ça, mais aucune expérience spirituelle. Tu augmentes le nombre de mois et d'années à l'église. Mais côté salut de Dieu, zéro. Aucune expérience authentique qui toucherait le cœur qui l'emmènerait. Quand tu racontes, ça touche le cœur. Le salut de Dieu est impactant. Et les expériences salutaires de Dieu sont impactantes. Elles ne sont pas des théories mortelles. Le premier impact. Et bon, tata. Parce qu'il y a la vie dedans. Il y a la gloire de la société dedans. Il y a l'original du ciel là-bas. Il y a l'original du ciel. Amen. C'est vos histoires de visa, de mariage, et tralala. Quand vous allez multiplier ce genre de racontage, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Que tu fasses monter dans Air France? Oui, putain. N'a pas peur d'avoir quelqu'un. Tu es voyagé par Kenya Airways? Tu es venu à Kenya Airways? Au Turkish Airways? C'est quoi ça? C'est le ciel? C'est revenu au ciel? Tu es venu à Tonini? Des choses périssables du monde. Ma cambo, ma côté du sommet multiplier. Tu peux pas faire notre gloire ni notre fierté. Tu peux pas faire la vie de quand tu montes dedans ou pas, tu y es un homme mortel sur terre. Vous allez monter mon poussin dans la ville. Amen. Cherchons le royaume de Dieu. Pour nous faire continuer ensemble. Amen. Faut que vous ayez dit, maintenant, nous avons dit, bon, vous êtes fini. Sans vous avez dit, nous avons dit, ensemble. L'amour du monde. Vous avez dit, illimité contre Dieu. Et vous avez dit, nous avons dit, ensemble. Amen. Nourrissez-vous de la nourriture des brebis. Pour être humble selon Dieu. Même si vous rencontrerez l'opposition. Tous les démons mis ensemble, nous voici une branche de cette vieille chère qui rencontre par le coup de l'opposition. Mais comme le Seigneur avait dit, les portes du séjour de mort ne prennent pas comme lui. Nous triompherons jusqu'à la fin. nous subsisterons parce que Dieu l'a ordonné. Nous tiendrons à sa parole jusqu'au bout. Louange à Jésus-Christ le miracle et le tout-puissant. Le véritable et le bon Père. C'est lui je l'aime. C'est lui je le vois. C'est lui je le crois. La parole est infaillible. Honte au démon. Alors, comme il s'est retiré, en désaccord, vous voyez, les Juifs là, les uns croyaient, les autres ne croyaient pas, mais Dieu voulait envoyer ce salut aux païens. Et il a dit qu'ils l'écouteront. Mais si vous tous vous refusez d'écouter ce salut de Dieu, moi je l'écoute. Et je confirme que Dieu avait raison. Même si moi j'ai refusé d'écouter ce salut de Dieu, il doit y avoir quelqu'un parmi nous qui écoute ce salut de Dieu. Pour confirmer que Dieu avait raison. Dieu ne m'a jamais. La prévision ne change jamais. Il est un Dieu infaillible. Comme il s'est retiré en désaccord, la semence des désaccords. Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison. Voilà. J'aime ça. Ce qui était déjà écrit. Mais Dieu avait déjà dit. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Esaïe, a dit, voilà la parole qui se confirme. Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Aveuglement des Juifs. Les Israélites. C'est fin. Et salami. Le copati bango kondimati, la palangani, alonde, alobili kamboyo, mokoete. Namalamu, molino mosantu, alobaki, na bankoko, na bino, na monokona, musako, lisaya ete. Kenda, mulubana batu oyo ete. Bakoyoka na matu nde, bakoye bantina te. Bakotala na miso nde, bakomona te. Pote, mitema na batu oyo, misili koyama kasi. Kayoki na matoyi, na bozito pe azipi miso na bango ete bamona na miso te mpe bayoka na matoyi te pe bayeba te bayeba na mitema te pe bazonga te ete nabikisa bango. Après avoir dit ça aux Israélites en leur montrant leur situation spirituelle, cataloguée selon la parole, et c'était d'après la parole écrite, c'était une sentence indiscutable. La parole a dit ce qu'ils étaient. La réalité, c'est ce qu'ils étaient. Alors, il annonce maintenant aux gens des nations, non israélites, non juifs, leur situation spirituelle. Verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Moi, je n'ai rien d'autre à faire qu'écouter. Homme des nations, femme des nations, fils des nations, fils des nations, femme alternative. Et de recevoir ça, d'écouter ça. Et c'est ce que nous devons faire jusqu'au bout. Mes chers amis, Yalinga, ne commettez pas l'erreur de négliger, de rejeter, de sous-estimer. Mais recevons le salut de Dieu. Pendant que l'occasion nous en est offerte. Recevez le salut de Dieu. Maintenant, sans tarder. Recevez le salut de Dieu. Sans rien négliger. Et Dieu vous accorde cela. Êtes-vous là? Dieu est amour. Et nous aimons sa parole. Dieu est puissance. Et nous voulons l'expérimenter. Dieu est notre Père. Et nous aimons sa présence. Qu'il puisse trouver une place dans ton cœur. Qu'il entre là et règne. Qu'il entre là et domine. Qu'il soit le roi de ton cœur. Le guide de ta vie. La raison de ta joie. Nous disons Amen. Si Jésus-Christ est placé entre vos mains, il n'y a rien qui va l'ôter de là. Et le côté Kolongolaïwana. Si son sang est placé entre vos mains, il n'y a rien qui va l'ôter de là. Vous n'avez pas d'autre choix que de le recevoir. Vous allez, sans quoi vous serez coupable. Même si vous lavez les mains comme Pilate, ça ne peut jamais vous dédouaner. Jésus-Christ est présenté. Comme avait dit Pilate, que feras-tu de ce Jésus appelé? Que feras-tu de cette parole de la parole ouinte de ce nom? Il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ manifeste. Qu'est-ce que tu en feras? Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons pour la prière. Atawale, Yeso Atawale, Kumaisha yangu, atawale, atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu, atawale, atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu. Atawale, atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu. Atawale, atawale, Yesu atawale, kumaisha yangu. Atawale, atawale. Yesu atawale, maisha yangu atawale, yako tonda, Yesu yako tonda, motema nanga, yako tonda, yako tonda, Yesu yako tonda, motema nanga. Yako donda, Yesu yako donda, namote mananga. Yako donda, yako donda, Yesu yako donda, namote mananga. Yako donda, yako panda. Yesu yako panda motemananga yako panda yako panda Yesu yako panda motemananga yako panda yako panda Yesu yako panda motemananga Yako panda, yako panda, Yesu yako panda, motemananga, yako panda, yako kota, Yesu yako kota, motemananga, yako kota, yako kota, belili. Kota wana pi emananga yako kota atawale Yesu atawale maisha yangu atawale atawale maisha yangu Atawali, atawali, Yesu atawali, maisha yangu atawale o sanai hawa atawale maisha yangu atawale yako kamba Yeso yako kamba ngai na bomoe nangai yako kamba Yeso yako kamba ni motoe nangai yako kamba Yeso yako kamba bomoe nangai yako kamba, Yesu yako kamba, omoyenanga, yako lunga, kolunga e, omoyenanga, yako lunga, Isa ya kolunga e, pomoe nanga, ya kolunga, Isa ya kolunga e, pomoe nanga, ya kolunga, ya kolunga. Par lui, nous vaincrons, nous triompherons jusqu'au bout. Il est notre victoire. Dale longa la biso. Ya kolonga, Yeso kolonga e, pomoe nanga. Ya kolonga, ya kolonga, ya kolonga e, pomoe nanga. Ya kolonga. Ya kotondisa, Yeso ya kotondisa, na bangu ya nayo. Ya kotondisa, Yeso ya kotondisa, na bangu ya nayo. Ya kotondisa, Yeso ya kotondisa, na bangu ya nayo yako tondisa Yeso. Il a beaucoup de puissance, la diversité de puissance de Dieu, multiplicité d'actions. Wana ulingi mingi kusala mutala. Reçois les diverses fonctions. Yamba biteni mingi. Pour diverses missions. Kuna misala mingi. Diverses tâches. Wana misala mingi. Diverses actions. Misala mingi. Diverses interventions. Wana kukuta kaja misala mingi. Que Dieu te remplisse. Yamba tondi sayo. Reçois le salut de Dieu. Yamba lobiko na Nzambe. Sans négliger. Uzanga kumuna yango pamba. Écoute, reçois le salut de Dieu. Yosa pe yamba lobiko na Nzambe. Dieu a prévu que tu l'entends. Yamba bumize ti yosa yango. Et qu'il te pénètre. Écoute ta patina yo. Tu trouves place au-dedans de toi. Écoute ta patina yo. Et tu es ton. Patina abiki samikumbu na wezala. Tu figures de ces nombres-là. Vous allez partir dans mon tango. Genre de nation. La totalité des païens. Que tu figures dans ces nombres. Vous allez partir dans mon tango. Prions chacun. Vous bondez la moko na moko. Kozalo biko na kaji na Yesu, ezali po na moto na moto. Kotalela moninga na yote, ezali etomba ya molimo na yo. Kozwa lobiko na kati na Yesu, ezali po na moto na moto. Kotalela moninga na yote, ezali etomba ya molimo na yo. ukulu kolo na ye bona lo lendo te kolo na ye pete o kambanda i kolo kolo na ye tonga bamai nandai banana yo banana yo moko o kambaka Ikulu kolo na ye, bona lo lendo te. Kolo na ye, pete o kambanga. Kolo na ye, tonga po moi nandai, banana yo, banana yo. E kolo nangai na kosa la dene Makale si nangai e pede lewa Kolo na senge yo moli mona yo E kambanga na bande kananga E kolo nangai na kosa la dene Makane sinanga ekpeni liwa Kolo na sengi yo moli mona yo Ekambanga na bande kona Ikulu kolo ta che Mona lo lendo te Kolo na ye pete o kambanga kolo kolo na ye tonga pamoi nanga anana yo anana yo moko o kambaka I kolo kolo na ye pona lo lendo te kolo na ye pete o kambanga Ba corona ye tonga pa moi nanga anana yo anana yo moko o kampa e kotala na kati na yeso dilo pa na ye ne elonga na yo Tika pifulela ya pamba ya mokili oyo Tika piko kolo apiangiyo Tiko kolo na ye Pona lo lendo te Kolo na ye Pete o kambanga Kolo na ye Tonga pamoy nanga Banana yo moko o kambaka Ikulu kolo na ye Bona bolendo te Kolo na ye Pete o kambanga Kolo na ye Tunga bomoy nangai Banana yo moko o kambaka bango Le salut. Acquérir le salut en Jésus-Christ est une affaire individuelle. Ne regarde à personne à côté de toi. C'est toi et Jésus. Il est le salut de Dieu. Il est la vérité du salut de Dieu. Il est l'unique chemin. Et l'unique vérité. Jésus-Christ. Qu'il en soit ici. Dans la bongo. Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous t'adorons. Nous bénissons ton merveilleux nom. Nous l'élevons au-dessus de tout. Car il est incomparable. En lui seul, il y a la vie. Le chemin et la vérité. En lui seul, il y a le salut de Dieu. Par lequel toute âme peut se retrouver. fais grâce à chacun de ceux qui s'approchent de toi. Une grâce impactante. Une grâce qui se confirme bibliquement. Une grâce qui fait de nous des humbles. Une grâce salutaire. Accorde-les à chacun qui a écouté cet évangile sincèrement, humblement. Souviens-toi de cet âme. Apporte ton secours divin pour consoler, pour transformer, pour convertir, pour sauver, pour engendrer la nouvelle essence dans le royaume de Dieu, pour baptiser le Saint-Esprit et confirmer l'identité de Nous allons sur la scène, au nom puissant de Jésus, notre bannière, notre refuge, notre arche de vie éternelle, notre roi de paix, notre délivrance éternelle. C'est toi la seule femme de vie éternelle. Que ton nom soit béni et adoré. Donne à chacun le courage de rencontrer les oppositions et savoir que nous sommes plus que vainqueurs. Même les maladies qui résistent, c'est une forme d'opposition. Ça ne doit pas déchoir notre foi. Nous nous tiendrons à tes promesses, à chaque parole sortie de ta bouche. Elle est vraie, elle se confirme. Que ton nom soit élevé. Oh, console et visite chacun afin de la rendre plus que vainqueur et que notre témoignage soit une lumière qui éclaire les âmes qui vivent dans les ténèbres, que notre langage soit positif conforme à ta volonté et que les démons soient dispersés, que les plans des démons soient détruits, le peuple du péché anéanti, que ta grâce vienne dans notre Seigneur, dans les puissants noms de Jésus-Christ, garde chacun de nous, nourris nos âmes, à nos jours de brebis, à nos jours de Dieu, chaque jour et partout, la méditation, la vie de prière, que ça puisse abonder, que ça puisse exceller. Notre roi, nous n'avons pas d'autre que toi. Que ton nom soit béni pour l'éternité, le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Mokovanda. Que Dieu soit loué. Dambe akumisama. Pour tout ce qu'il fait de bon envers nous. Nous allons faire la malam pour nous.